Oh shit, man. Ok, yo. Tout le monde passe leur temps à dire yo! Tu le pas avec elle, c'est une salope! Mais non! Mais finalement, yo! Tout du pareil au même. Switch tout, c'est juste une question de temps.